Salut! Salut Esther! Prête pour ce live 5 de beauté Ouais, imaginée? je suis prête, à fond. Super. Alors, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Beauté imaginée. Je m'appelle Alice. Je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à la façon dont elle imagine la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. D'ailleurs, si ça vous dit d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Alors, Esther, ce soir, merci d'être avec moi. Bah avec plaisir, hein, j'ai hâte. On va parler, tu l'as compris, de produits cosmétiques, naturels ou biologiques. Et on verra d'ailleurs que Yes. ces deux notions ne veulent pas forcément dire la même chose. Je te remercie beaucoup d'être prête à échanger sur ce thème. Déjà, est-ce que toi, tu as tendance à vouloir utiliser des produits plus naturels en général, tu dirais? Ouais, quand même, de plus en plus, je pense. D'accord, ouais, ça devient assez important pour toi. Bah, on va Ouais, c'est ça. approfondir ce sujet. Tu le sais, j'aime bien commencer par la rubrique presse féminine, un petit test pour se mettre en jambes. Donc, je te propose de faire un petit test en toute bienveillance sur la façon dont tu prends soin de ta peau. Il s'appelle Savez-vous prendre soin de votre peau? C'est un test de Elle, du site Elle.fr. Tu es prête? Yes, c'est parti. C'est parti. Alors, pour hydrater ta peau tout au long de l'année, tu utilises une crème de jour et une crème de nuit, ou une crème hydratante le matin après la douche, ou rien de spécial. Tu penses que ta peau n'a pas besoin de soins particuliers? J'aurais dit la deuxième, la crème hydratante. Crème hydratante. Pour nettoyer ta peau, tu utilises un gel nettoyant à rincer à l'eau, suivi d'une lotion, ou des lingettes démaquillantes, ou de l'eau et du savon. Oh, de l'eau et du savon. D'accord. Pour la peau, du visage aussi. Ouais. D'accord. Alors, on a une petite intervention. Ah, Mathilde, salut Mathilde. Salut, je suis contente d'écouter encore un nouveau live et je trouve que le sujet est très intéressant. Ah, sujet d'actualité. Bienvenue Mathilde, notre commentatrice, je pense, la plus assidue. Troisième question, Esther. Un bouton pointe le nez, le bout de son nez, pardon. Que fais-tu? Tu prends ton mal en patience, tu n'y touches pas, ou tu appliques dessus une noisette de ton masque purifiant avant d'aller te coucher, ou tu lui déclares la guerre, tu le perces, puis tu le camoufles sous une couche de correcteur. Oh non, non, non, quand même. Non, j'aurais dit la deuxième, je pense, ouais, quand même. D'accord, tu vas essayer de mettre un petit produit pour le réduire. Ouais, quand même, faut pas trop y toucher à ces trucs-là. Ouais, t'as bien raison, c'est le conseil numéro un, ne pas réinfecter avec les doigts. Tu Voilà, c'est ça. exfolies ta peau avec un gommage une fois par semaine, deux fois par mois ou tous les 3 mois? Oh, tous les 3 mois. On n'est pas très Tous les assidus trois là-dessus. mois pour le gommage. Autant dire jamais, quasiment, t'as quand même déjà essayé? Ou... Ouais, non, quand même, quand même. Et après ce fameux gommage tous les 3 mois, quel est ton rituel? Est-ce que tu appliques un masque purifiant ou hydratant? Ou est-ce que tu appliques une crème hydratante? Ou tu rinces juste ta peau à l'eau? Quelle question! crème hydratante, crème hydratante. Crème hydratante. Donc ça, t'es plutôt assidu sur la crème hydratante? Ouais, la crème, ça va, le reste, c'est un peu plus compliqué. Et nous avons Antoine-Émile qui Esther, participe. je pense que le cosmétique bio dans lequel tu mises est outrepassé. Il est d'ailleurs même antidaté. Écoute, Esther, tu ferais mieux de courir en plein air, de courir en plein vent pour essayer d'être plus souvent en toute beauté. Car ce n'est pas Ah. le cosmétique vert, le cosmétique qui est vendu avec une couleur verte sur le carton qui va te rendre plus belle. Écoute, Esther, va courir, va respirer l'air pur, va dans la montagne te perdre et regarder des bouquetins et discute avec les mouflons. Eh ben c'est poétique, Que de beaux Antoine-Émile. conseils. Ouais, Que de beaux franchement, en conseils. plus, je te connaissant un peu, Esther, je pense que tu aimes bien tout ce qui est nature et sport, Oui, etc. Donc, oui, à oui. croire qu'il a lu dans tes pensées. Bon, on va C'est quand ça, même exactement. poursuivre le test pour voir. On a aussi non modéré. Salut. Cacahuète ou noix de cajou? Ah, cacahuète ou noix de cajou. Je t'écoute, Esther, t'as une Ah, j'aurais dit appréciation? plus cacahuète quand même. Ah, et moi, je serais plus noix de cajou, tu vois. Il faut de tout pour faire un monde. À la plage, Esther, Exactement. tu te protèges du soleil avec une crème d'indice moyen que tu appliques toutes les 2 heures, avec une huile pour optimiser ton bronzage, ou rien de spécial. Tu es habituée depuis toute petite à ne rien mettre. Crème indice 50 même. Ah, d'accord. Alors, allez, on va créer une dose pour La toi. première, je pense, du coup. Ouais, en effet, par élimination, c'est la plus sécure, on va dire. Que Ouais, veut nous dire pour m'y Mathilde? connaître, je dirais plutôt noix de Merci Nadine. cajou. Tu te trouves pâlotte et tu as la mine pas vraiment joyeuse. Ton astuce beauté, c'est quoi? Un masque détox à base d'acide de fruits, une crème coup d'éclat, une bonne dose d'autobronzant, il n'y a que ça de vrai. J'aurais dit le premier, je pense. Le masque détox à base d'acide de fruits. Ouais, voilà celui-ci. Dans ton frigo et dans tes placards, on trouve toujours des fruits frais ou secs, d'ailleurs, pourquoi pas noix de cajou et cacahuètes, des légumes et des céréales, ou de la viande et des laitages systématiquement, ou du chocolat et de la charcuterie. Légumes et laitages? Ouais, oui, on va dire ça. Légumes et laitages. Ah, alors du coup, malheureusement, ce sont deux réponses différentes. Il y a Ah soit mince, bah fruits, non, bah on va frais, dire laitage légumes, quand même. céréales. D'accord, viande et laitages, du coup. Ouais, on va dire ça. D'accord. Ta dermatologue, tu la vois une à deux fois par an pour contrôler si ta peau va bien. Quand ta peau réagit un peu trop, ou ma quoi? Une fois par an, bah la première du coup. D'accord. Tu rentres tard d'une soirée. Quel est ton dernier rituel avant d'aller te coucher? Peu importe l'heure, tu te nettoies le visage minutieusement. Tu passes sur ta peau une lingette démaquillante rapidement. Ou tu te couches directement. Tu zappes l'étape démaquillage et tu t'occuperas de ta peau demain matin sous la douche. La deuxième? Ouais. On va dire la deuxième. La lingette démaquillante pour quand même prendre soin un peu de ta peau, mais pas y passer trop de temps. Voilà, un minimum. Un minimum, ouais. Alors, bah, du coup, je crois que ça résume bien le test global parce que voici la réponse pour toi. Esther, votre peau, vous y faites attention quand vous y pensez. Votre peau, vous y faites donc attention à petite dose. Lorsque votre peau décide de faire des siennes, vous avez la bonne réaction. Vous vous rendez chez le dermatologue pour trouver une solution, limiter les dégâts. Mais le reste du temps, vous n'avez pas forcément les bons gestes et vous n'utilisez pas toujours les bons produits. Vous savez que la peau est fragile et qu'il faut en prendre soin. Mais vous n'avez pas le temps et préférez le consacrer à autre chose. Donnez une chance à votre peau en demandant conseil à une dermo conseillère lorsque vous achèterez votre prochaine crème hydratante. Prenez rendez-vous chez votre dermatologue avant que les problèmes n'arrivent pour faire avec lui un diagnostic de peau et trouver des soins adaptés. Ça te Bah, semble tu vois, plutôt... ouais, ça me convient comme résultat. Ouais, ça te parle. Ouais, non? Ok, Ouais, top. c'est bien, je pense. Donc, test du L validé. Alors, du Ouais, coup, c'est ça. maintenant, c'est notre rubrique qui es-tu, pardon, selon tes habitudes de beauté. Car vous le savez, chers auditeurs, le but, c'est que vous imaginiez un petit peu Esther pour ensuite répondre à quelques questions sur elle. Ça sera la rubrique suivante. Donc là, on va s'intéresser du coup à notre sujet, produits naturels, cosmétiques, etc. Toi, donc, tu disais, tu t'intéresses un peu au naturel, au biologique également, de façon générale? Oui, ouais, quand même, bah, ça va quand même assez de pair, mais ouais, de plus en plus, je m'y intéresse au fur et à mesure Depuis que je longtemps? grandis, on va dire. D'accord. Ouais, bah, je dirais depuis peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Petit indice pour nos auditeurs sur ton âge, peut-être. Et en général, est-ce que à prix égal, tu vas systématiquement t'orienter vers le choix biologique ou pas forcément? Non, bah, je vais quand même plutôt regarder la composition. C'est quand même ça qui va être le plus important, je pense. Et la D'accord. marque aussi, la provenance. Mais on va dire que D'accord. le bio, c'est pas le seul critère qui va me faire acheter quelque chose, quoi. D'accord. Oui, je vois. Donc, tu as plutôt tendance à lire les étiquettes. Enfin, quand tu as le temps, Ouais, c'est voilà. quelque chose que tu C'est peux ça faire. exactement. Ouais. Et l'appellation biologique, pour toi, elle a plus de valeur que la mention ingrédient naturel? Ou pour toi, c'est la même chose quasiment? Alors je connais pas bien la différence, je sais pas si tu la connais ou Bon, pas. on va en parler. T'inquiète, c'est un Ouais, grand sujet, mais ça va parce être que dans notre bah vrai non, faux. ouais. J'ai Et pas oui, trop la là comme différence, du coup, ça, je pourrais pas là... vraiment te dire Comme ça, si tu vois le même produit ingrédient naturel et le même produit agriculture biologique, ça résonne un peu pareil pour toi. C'est aussi Ouais, positif je pense. l'un que l'autre. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Dans l'alimentation, tu essayes d'acheter quand tu le peux du biologique, du coup? Oui, ouais. D'accord. Sur les packagings, est-ce que tu fais autant confiance à une appellation produit biologique quand c'est un produit alimentaire que quand c'est un produit cosmétique? Est-ce que pour toi, ça revient Bah, à peu près j'aurais aux mêmes tendance à quand même faire consignes? plus confiance à l'alimentaire plutôt qu'aux cosmétiques Ah, parce que dans les ouais. cosmétiques, il y a toujours des noms chelous, on comprend pas tout ce qu'il y a C'est vrai. dedans. Mais après, ouais, non, je pense quand même j'ai plus confiance dans l'alimentaire, enfin au niveau bio-alimentaire que bio-cosmétique. D'accord, je vois. Ok. Donc là, tu peux quand même essayer de regarder la composition ou du coup, comme tu disais, c'est des noms un peu trop compliqués. Enfin, Ouais, ça bah te c'est des parle noms pas qu'on connaît assez. pas du tout et après pour savoir si c'est vraiment bon ou pas, c'est plus compliqué, il faut être assez pro là-dedans quoi. Ouais. Du coup, le fait qu'il y ait l'appellation produit biologique sur un produit cosmétique, c'est pas forcément si fiable que ça dans ton esprit. Enfin. Ou le fait que ça soit écrit, Non. tu fais confiance. Non, non, je D'accord. pense pas. Ah Je ouais. pense qu'il faut plus étudier le produit pour que je me dise, ah ok, c'est vraiment bon et c'est bio du coup. Donc je vais le D'accord. prendre. D'accord. Et quel produit cosmétique naturel ou biologique tu achètes? Au niveau, bah j'achète mon déodorant en bio, dentifrice et gel douche. C'est tout. D'accord. Et du coup, t'en es plutôt satisfaite, t'en penses quoi? Ouais, non, franchement, c'est des bons produits et j'en suis vraiment satisfaite. Bah, je dois les utiliser, je pense, depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Et je garde D'accord. toujours les mêmes. J'ai trouvé ceux qui me correspondent, quoi. D'accord, c'est... D'accord. Et du coup, c'est les mêmes, en fait, vraiment. Enfin, t'as trouvé du premier coup ou t'as quand même fait des Non, tentatives un non, non. peu... Ouais, j'ai quand D'accord. même fait pas mal de tentatives et j'ai réussi à trouver le produit qui me convenait, donc du coup maintenant je le lâche plus. D'accord. Donc tu veux dire que tu disais, tiens, il faudrait que je trouve un déodorant, par exemple, biologique, et ensuite tu cherchais, ou tu cherchais un déodorant de façon générale, globale, et là, à la fin, finalement, par hasard, celui qui t'a convenu, c'était un biologique. Non, j'aurais plus dit, je cherchais quelque chose de biologique et du coup, dans toute la gamme Ah. biologique, j'ai pris celui, qui me convenait le plus. Ça aurait plus été dans D'accord, tu étais dans cet cette ordre-là. démarche de trouver. D'accord, Ouais. je vois. Et du coup, qu'est-ce qui te motive en privilégiant un produit cosmétique issu de l'agriculture biologique? Est-ce que c'est le fait de limiter ton empreinte sur l'environnement ou est-ce que c'est plutôt pour limiter d'éventuels dégâts sur ta santé? Bah. Je pense que les deux vont ensemble parce que si on met quelque chose de Mmh. pas bon pour nous, tu vois, on va dégager des choses de pas bon pour l'environnement. Et donc du coup, Ouais. ça va un peu de pair, quoi, tu vois. D'accord. Oui, pour toi, tant que c'est naturel, finalement, bah, ça va à la fois avoir moins d'impact sur l'environnement D'impact et être sur la mieux santé. pour Ouais, notre voilà, c'est ça. santé. Oui, c'est sûr, Ouais. c'est vrai que c'est en général la démarche. Mais du coup, est-ce qu'il y a une des deux, enfin, un des deux objectifs qui serait encore plus motivant pour toi ou enfin, Je c'est pense global de toute que façon? ça serait quand même plutôt la santé. La En santé, ouais. priorité et Ouais, je pense. en bonus. Voilà, Oui. c'est ça, exactement. C'est ça. Et si sur un produit cosmétique, il est écrit constitué à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, est-ce que tu fais moins confiance que si c'était écrit produit biologique? Ou tu ne fais pas trop attention à cette nuance? Tu vois, parfois, il précise juste que c'est certains ingrédients qui sont biologiques finalement, alors que parfois c'est potentiellement le produit entier. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait Ah une ouais, différence comme ok. ça? Ouais, je vois. Non, non, j'y fais vraiment pas gaffe à ça. D'accord. Non, non, pas du tout. Chers auditeurs, est-ce que ça c'est une nuance que vous avez remarqué, vous, que parfois au niveau du packaging des produits, on peut Il y a juste un ingrédient qui est cité comme étant, enfin, comme appartenant, étant cultivé selon les règles de l'agriculture biologique, alors que parfois ça semble être tout le produit en lui-même. N'hésitez pas à nous partager si vous avez remarqué cela. Question suivante. Ah, alors, qui s'exprime? Merci Non, Mathilde. j'avais pas spécialement remarqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose de... Enfin, c'est un truc où... C'est un truc, j'imagine, enfin, un vrai, ça serait important de le remarquer. J'imagine que c'est ce que Mathilde voulait dire. J'ai Ouais. pas bien entendu la fin. Moi non Et plus. il y a quand même des produits, du coup, cosmétiques que tu utilises et qui ne se déclarent pas biologiques ou naturels. Ouais, bah typiquement ma crème hydratante pour le visage, elle est pas D'accord. bio. Mon shampoing et tout le maquillage, quoi, en gros. D'accord. OK. Et tu as déjà utilisé des produits solides? Oui, bah mon gel douche est solide. D'accord. Grâce à mes cousines, j'ai découvert aussi le dentifrice solide qui est très bien. Ah, c'est lui J'ai dont beaucoup tu aimé. parlais là ou... Ah oui, Ouais, d'accord. OK. c'est ça, exactement. Et franchement, très très très bonne découverte. J'ai D'accord. essayé par contre le shampoing et j'ai des cheveux, on va dire, qui sont assez spécifiques et je sais que Ouais, ça ça me va pas du s'y tout. pas. Ah, Ouais, qu'est-ce que donc. ça donnait quoi? T'as essayé plusieurs shampoings solides? Ouais, j'en ai essayé plusieurs et à chaque fois, bah, j'ai les cheveux assez bouclés et ça me les D'accord. alourdit beaucoup. Et puis, je sais pas, Ah. non, ça les rend moins beaux. Enfin, ça me convenait pas, quoi. D'accord. Il serait un peu plus plat, du coup, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, ok. Alors, que veut nous dire Ah, j'aime beaucoup Mathilde? aussi le dentifrice solide. Ah, C'est tu connais aussi? presque comme un dentifrice. Ouais, Ouais, mais c'est vrai qu'il y a très j'imagine peu que de ça allait toi changements, hein. aussi. Ah oui, au Ouais, niveau mais du il y rendu. a... ouais, au niveau du rendu, au départ, j'y croyais pas trop. Et Ouais. c'est vrai qu'il y a quasiment pas de différence, quoi. C'est la même Oui, une sensation. fois. Ouais, c'est vrai. Pour Ouais. avoir essayé aussi, je reconnais que j'étais plutôt contente. C'est peut-être juste la dose, en fait, vu que c'est sous forme de petites pastilles. J'aurais tendance à trouver que c'est pas suffisant pour. Enfin, peut-être que selon si on aime qu'il y ait beaucoup Ah de mousse ou oui, quoi. non, c'est vrai, c'est Mais vrai. on peut en prendre deux, Ouais. bon, au pire. Mais en vacances, ça doit être hyper pratique avec tout ce qui est restriction dans l'avion et tout. C'est vrai que tout ce Oh, qui mais est oui, c'est produit sûr. solide, ça peut être top, Ouais, ça. parce qu'on n'a pas le droit à beaucoup de produits liquides, donc c'est sûr que non, Ouais, c'est un bon carrément. compromis. Ouais. C'est comme du coup bah tout ce qui est shampoing, c'est que moi maintenant j'aime bien quand c'est solide et je me dis que quand on aura le droit à nouveau de partir en vacances en avion et tout ça sera Ouais. assez pratique. Et là ton produit de beauté incontournable ces temps-ci, ce serait quoi, Esther? Incontournable. Oh, j'aurais dit ma crème hydratante. Crème hydratante D'accord, pour visage. tu peux nous Ouais. dire un peu enfin Bah, c'est une crème comment elle est? Avène, assez légère parce que D'accord. je supporte pas trop les crèmes trop grasses. Mais bah, du coup, D'accord. j'en mets matin et soir et elle me réussit très bien. D'accord. Et elle est hydratante classique, c'est ça? Ou est-ce qu'elle a d'autres propriétés, anti-âge par exemple? Non, juste hydratante, pas encore D'accord. d'anti-âge. Ok. Ah, un indice. Alors, Juliette. Salut, Est-ce Juliette. que tout ce qui est solide, ça a aussi un meilleur effet, genre sur la peau, enfin là où on l'utilise, ou c'est que pour le côté bien pour la nature, tout ça? Alors franchement, il faudrait étudier un peu précisément parce que j'avais entendu une émission en préparant ce live qui évoquait les pains de savon, donc du coup VS les savons gel douche plus liquides. Et on pourrait se dire qu'un pain de savon va être plus naturel, enfin meilleur en tout cas pour la peau, pardon. Et Ouais. il s'avérait qu'il y avait quand même parfois des ingrédients assez décriés dedans. Donc ça dépend vraiment marque par marque en fait. Après voilà, il faut voir comment se positionne une marque, si ce qu'elle met en avant et si elle a une politique très stricte dans la composition de ses produits. A priori du coup, on peut se dire que les produits vont être plutôt bons. Mais ce n'est pas forcément, je crois, un gage Ouais, c'est pas synonyme de qualité, quoi, en Oui, gros. voilà, pour la Ok. peau. Ouais, c'est Pour la ça. peau, ouais. Ouais. D'accord. Ouais. D'ailleurs, moi, je sais pas si tu as déjà essayé ça, mais maintenant, quand j'achète un produit cosmétique, je le passe sur les applications, tu sais, comme Yuka Cosmétique ou Quelle Ah oui, Cosmétique. Tu connais? non, j'ai pas le, ouais, je connais, mais j'ai pas le, c'est pas automatique, Le non. réflexe, ouais. Ouais, Bah, j'ai pas c'est le vrai que là, réflexe. j'aime bien faire ça pour voilà, m'assurer de la composition. Et c'est assez pratique. Maintenant, du coup, je ne vais pas vérifier, n'étant pas chimiste, je ne peux pas m'assurer que, enfin, de la fiabilité des notations de ces Ouais, applications-là. oui, c'est Mais je sûr, me ouais. dis que c'est déjà un petit pas un peu Bah, c'est mieux que au plus rien. C'est mieux objectif. que rien. Voilà, c'est ça. Ouais. Normalement, j'ose espérer qu'ils n'ont pas trop d'intérêt lié à l'industrie cosmétique. Donc, bon. Je fais plutôt confiance, mais je ne sais pas si Ouais, vous, chers ok. auditeurs, vous avez déjà utilisé ces applications, mais c'est vrai que c'est pas mal pour un peu se guider et tout. Alors, c'est parti pour notre rubrique Les auditeurs t'imaginent sur Beauté Imaginée. Donc, chers auditeurs, maintenant, je souhaiterais que vous imaginiez un peu qui est Esther, ma belle invitée, et on pourrait commencer par deviner son âge. Alors, on va vous laisser nous proposer un âge à notre invitée Esther. Voilà, je pense qu'il y a eu des petits indices Des petits indices, ouais, c'est peut-être. sûr. On va voir. Et je sais qu'au niveau de l'émoji sur Beauté Imaginée, on peut un peu jouer sur l'âge aussi, mais bon, ça, c'est pas forcément Oui, c'est toujours. sûr. Respecté. Alors, Mathilde. Moi, je pense qu'Esther a dans les 21-22 ans, puisqu'elle s'intéresse déjà à tout ce qui est bio, etc. Et c'est vrai que plus jeune, on s'en fiche un peu plus. D'accord, oui, tu dis par exemple une adolescente, elle serait moins concernée. Alors, je pense qu'Esther est assez jeune, vu qu'elle n'a pas l'air de penser à la crème anti-rides. Je pense qu'elle a max 20 ans. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait 16 ans. 16 ans, d'accord. Ok. Alors, Esther, vas-tu nous révéler Oui, la oui, oui. gagnante entre Juliette et Mathilde? Eh ben, elles ont toutes les deux quasiment raison parce que j'ai 19 ans, donc c'est très proche. D'accord. Ouais, en effet. Donc, pas encore d'anti-âge pour toi. Ça, pour l'instant, Non, ça. non, Tant que tu hydrates bien, bah, tu as raison. On dit que le meilleur anti-âge, c'est avant tout l'hydratation de la peau. Hein. C'est quand même l'action primordiale pour l'aider à se régénérer, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir des pronostics peut-être sur le temps qu'Esther passe dans sa salle de bain le matin? Donc, tout compris, hein, voilà, pour se préparer dans une journée normale, hein, je dirais. Ah, tu vas peut-être en cours, enfin. En temps normal, on va dire, Ouais, t'es ouais, ouais. étudiante, qu'est-ce que tu fais dans Oui. la vie? Je suis en licence de biologie. Donc, je suis en Ah! première année. Ah, Voilà. biologie, biologique, waouh! Quelle sacrée connexion avec notre thème. C'est ça, Alors, exactement. que nous proposent Juliette et Moi, je Mathilde pense sur le que temps passé? Esther passe très peu de temps dans sa salle de bain le matin. Je D'accord. dirais 5-10 minutes après la douche. Hein. Ok, D'accord. 5-10 Après la douche. minutes. Ah, ok. Plus la douche. Là, je pensais Je qu'on aurait dirais que peut-être Esther passe une info globale. pas trop de temps pour se doucher. Et globalement, je dirais 15 minutes dans la salle de bain, quoi, en gros. Et si elle se lave les cheveux, allez, 25 minutes. D'accord. Est-ce que Ok. tu peux Et nous ben, encore une fois, éclairer? elles ont bien trouvé. C'est à peu près ça, je dirais 15. Ouais, 15 minutes. 15 minutes et du coup 20, 25 minutes quand je me lave les cheveux, quoi. D'accord. Ok. Et dernière info à deviner, quelle serait la marque la plus présente dans la salle de bain d'Esther? On a eu une marque de cité, si je ne me trompe pas. Est-ce Ouais. que vous aurez une idée? En général, tu essayes d'avoir, enfin, de trouver un peu les produits phares ou tu aurais tendance à beaucoup changer, toi, de produits? Oh non, je change pas mal. J'ai pas vraiment Ouais. de marque attitrée, on va dire, mais ouais, non. Bah, D'accord. j'en ai une en tête quand même, je pense. D'accord. Merci beaucoup, Juliette et Mathilde, de votre Moi, je dirais participation. Dop. Dop, d'accord. Et Dop, Mathilde? ok. Du coup, je dirais Evian, vu que Esther se lave à l'eau. Ah oui, tu as dit eau et savon au début, pas mal. Alors, révélation, quelle est ta marque Bah, la plus présente? moi, j'aurais dit Yves Rocher quand même. Ouais. D'accord. Pour le Ouais. côté naturel, c'est ça? Ouais, je pense. Puis, il Plutôt y a quand accessible en même. termes de prix? Ouais, voilà, c'est ça aussi qui compte. Mais non, bah, ils font des bons produits, donc c'est pour ça que j'ai pas mal de produits de chez eux. D'accord. Qu'est-ce que tu utilises pendant que je dévoile sur mon Instagram Beauté Imaginée la photo que tu as bien voulu nous donner pour avoir un indice sur qui tu es, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les produits que tu aimes bien chez eux? Pourquoi pas? Produit chez Yves Rocher que j'aime bien, j'aime beaucoup la crème de nuit pour les cheveux. C'est une crème de Ah, nuit d'accord. hydratante que je mets après chaque shampoing, qui est pas mal. Leur D'accord. shampoing aussi concentré est pas mal, je l'aime bien. Ah, Qu'est-ce que d'accord. j'utilise d'autre? Alors ça, c'est on parlait de l'avion, etc. C'est un petit format, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit format, du coup, assez pratique quand on part en voyage. Bah, quand on pourra partir, c'est vrai que c'est vraiment bien. Du coup, la D'accord. crème, le shampoing, et j'aurais dit aussi crème hydratante pour le corps, qui est aussi pas mal. Voilà. D'accord. Pour finir cette rubrique, les auditeurs t'imaginent dans Beauté Imaginée, tu peux nous parler un peu peut-être de tes hobbies? Ouais, bah, mes hobbies, j'aime bien faire du sport, voir mes amis, D'accord. ma famille, etc. J'aime bien aussi tout ce qui est jeu, que ce soit jeu de société ou même jeu vidéo. Et D'accord. voilà. Je Ok, pense que c'est top. Jeux vidéo, voilà. tu joues à quoi par exemple? Bah, je sais pas. Oui, non, je sais pas si ça peut vraiment être considéré comme jeu vidéo, mais c'est surtout des jeux sur téléphone. Si, je pense quand Ah oui, je même. vois. Ouais, Voilà. bah oui, je pense, hein. C'est des jeux pour. Enfin, c'est interactif, c'est ludique Voilà, ouais. et ça reste sur écran. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations, Esther. On va passer à notre rubrique, la belle minute scientifique. Et on va s'intéresser aux déodorants et antitranspirants, avec notamment celle d'aluminium. Tu connais un peu, tu as déjà entendu parler des éventuels débats là-dessus? Ouais, pas je connais pas grand-chose là-dessus, par contre. D'accord. Bah, en fait, la semaine dernière, c'est mon invité Alexandre qui m'a posé la question sur les déodorants et les antitranspirants contenant du sel d'aluminium, puisque Ok. c'est un ingrédient qui fait beaucoup polémique. Toi, du coup, comme ça, est-ce que tu as une idée de la différence entre déodorant Peut-être qu'antitranspirant, c'est plutôt pour le côté sueur et pas trop odeur. Et du coup, déodorant, c'est juste antitranspirant? côté odeur, non? Peut-être? Donc, en fait, le déodorant, ça va être moins fort parce qu'il va un peu absorber la transpiration et couvrir l'odeur. Alors que l'antitranspirant, comme son nom l'indique, il empêche la transpiration de sortir, en fait. Donc, il va être plus fort. Son but, c'est D'accord. de bloquer le système de sudation, tu vois. Ok. Du Ok. coup, il n'existe pas vraiment d'antitranspirant biologique, a priori, parce que pour empêcher cette sudation de sortir, l'antitranspirant est composé d'un élément synthétique et parfois, en l'occurrence, de sel d'aluminium. Donc, c'est ça la Ah oui, différence donc fondamentale, c'est tu ça vois. qui est. C'est peut-être pas hyper bon dans le sel d'aluminium, du coup. Bah, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il fait polémique, en effet. Est-ce que toi, par exemple, tu m'as dit que tu avais un déodorant biologique? C'est un déodorant ou un Ouais. antitranspirant? Est-ce que tu as fait C'est un attention? déodorant. C'est un déodorant, Oui, ouais. je crois que pour l'instant, il n'existe pas d'antitranspirant, du coup, parce que voilà, ça va un peu à l'encontre du système naturel. Et donc, oui, en effet, ça peut. On n'a pas encore trouvé de technique voilà, naturelle Ouais. de vraiment le bloquer. Donc en fait, les sels d'aluminium, c'est des minuscules morceaux de métal d'aluminium, du coup. En effet, pas très naturel. On les a extraits du minerai bauxite et c'est devenu de l'aluminium. Et ils sont très utilisés voilà, en cosmétique. Le principe, en fait, c'est qu'ils vont se positionner dans le pore et empêcher la transpiration de sortir en le bouchant un petit peu, tu vois. Et donc, OK. comme on est amené à appliquer un antitranspirant bah, quasiment tous les jours et sur du long terme, c'est ce côté répétitif qui peut être vraiment mauvais pour un ingrédient néfaste pour la peau. Donc, c'est pour ça que on s'y intéresse particulièrement. Autant un produit, pourquoi pas, que tu appliquerais très temporairement et surtout que tu rincerais, ce serait peut-être moins gênant qu'il y ait une grande concentration d'un ingrédient un peu Ouais, alors que là, il dérangeant. reste quand même longtemps sur la peau, ouais. Exactement. Puis c'est voilà, c'est répété, tu vois, si c'est tous les jours Ouais, comme ça. bah oui, c'est ça, tous les jours, c'est sûr que Ouais, ça doit ouais. pas être hyper bon. Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que, du coup, les autorités de santé ont fait des études depuis 2011 sur les sels d'aluminium pour essayer de déterminer leur éventuel danger. Et ils ont d'abord établi, pour ce qui est de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé, un taux, en fait, maximum de présence à partir duquel il y aurait un risque avéré, tu vois, de D'accord, sels ok. d'aluminium dans le produit. En l'occurrence, en 2011, ils ont statué sur 0,6% apparemment. Et finalement, 8 ans plus tard, là, en 2019, le comité scientifique de la Commission européenne vient, lui, de fixer ce taux à partir duquel la présence de sels d'aluminium est mauvaise à 6,5%. Tu Ok. vois, à deux études différentes Ouais. d'institutions quand même. Enfin, reconnue et voilà, gouvernementale à peu près, on a été multiplié par 10 Oui, pour ce ouais, quand même. seuil. C'est, Ouais. voilà, ça montre que du coup, ce qu'on peut conclure, c'est que ces ingrédients seraient plutôt toxiques. Maintenant, on ne sait pas à partir de quelle concentration ça l'est. Donc, Ouais. voilà, à nous de choisir. Est-ce que dans le doute, du coup, on les élimine de notre consommation ou est-ce que du coup, on peut tenter le coup ou alterner, pourquoi pas, quand on a Ouais, vraiment une peut-être soirée. les utiliser un peu moins, ouais. Exactement. Pourquoi pas alterner un déodorant biologique les jours où on est amené à pas voir trop de monde, ou voilà, un peu comme tous les jours de cette année. Ou, C'est et ça. ensuite, quand il y a un événement, peut-être là, prendre un produit un peu plus costaud. Pourquoi pas? Alors, est-ce que tu es prête pour ma rubrique vrai-faux? Sur les Ouais. produits naturels et biologiques, C'est parti, Esther. c'est parti. Chers auditeurs, je compte Je... sur votre participation dans Beauté Imaginée. N'hésitez pas à chaque question à nous dire si vous pensez qu'elle est, à chaque affirmation, nous dire si elle est vraie ou fausse. Alors, du coup, première affirmation. Un produit naturel peut être aussi chimique. Vrai ou faux, Esther? Bah, j'aurais dit. Ah non, quoique. Est-ce qu'il n'y aurait pas. Ah, j'aurais dit vrai. Je vais essayer vrai, on va voir. Alors, je regarde si quelqu'un se positionne sur cette affirmation. Un produit naturel peut aussi être chimique. Mathilde. Moi, je dirais que c'est plutôt faux. Donc là, vous n'êtes pas d'accord toutes les deux. Ouais. Alors, je vais trancher. En fait, c'est vrai. Bravo, Esther. En général, on se trompe un peu de mots. On va dire, ouais, on ne veut pas de produits chimiques dans les. Dans nos produits cosmétiques, etc. Ce qui se passe, c'est que c'est un peu un faux ami, enfin une déformation du langage. Ce qu'on voudrait dire, c'est synthétique. Parce que Ah chimique, oui. ça veut dire que ça résulte finalement d'une réaction chimique. Et même les produits naturels font des réactions chimiques entre eux, comme tu dois Ah, en sans vrai, doute l'avoir en biologie. j'avais pas bien écouté la question, je dirais plutôt vrai. Merci Mathilde de ton honnêteté. Et ouais, c'était bien vrai, tout à fait. Parce que voilà, ce qu'on va un peu essayer d'éviter, ce sont les produits synthétiques qui, eux, résultent de transformations plus lourdes, donc de produits artificiels, parfois issus de la pétrochimie, comme le plastique. Donc c'est tout ça qu'on va plutôt essayer d'éviter. Et finalement, la plupart des ingrédients au départ sont des éléments pris dans la nature puis transformés. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux types de fabrication. Celle qui est dite naturelle, c'est celle qui va respecter les propriétés de ton élément. Ça peut être de la macération. Tu vois, si tu laisses macérer même des fruits et Ouais, légumes, je bah, vois. ça va se transformer en autre chose. Ça peut aussi être de la pression à froid, du séchage, du broyage. Voilà, il y a tout un tas d'actions comme ça qui ne vont pas détériorer le produit. Et à D'accord, l'inverse, ok. l'autre transformation, qu'on va qualifier de synthétique. C'est quand on prend un élément, soit un naturel, soit un déjà issu de la pétrochimie, et qu'on va le dénaturer à cause de nos transformations lourdes. Ça peut être en le mélangeant avec du solvant ou en faisant par exemple du raffinage. Le raffinage, tu vois, ça veut dire qu'on va défibriller. J'essaye de ne pas manger le mot. On va retirer les fibres, en fait, les casser. Donc, évidemment, le produit n'est plus du tout le même. Ouais, et du coup, ça serait ça qui serait vraiment pas bon pour nous, quoi. Voilà, qui serait D'accord. très polluant en fait parce que ça va créer beaucoup de déchets et en général peut-être moins adapté à la peau. On va en parler dans nos D'accord. questions suivantes. Alors, je compte sur vous les auditeurs pour vous proposer, vous prononcer sur cette affirmation. C'est dans les milieux aqueux que les bactéries prolifèrent le plus facilement. Vrai ou faux, Esther? Dans les milieux aqueux, j'essaie de De te voir, parce que concentrer. j'ai dû voir ça dans mes cours en plus cette année. Ouais. Tu as des examens J'aurais dit bientôt? vrai. Ouais, en D'accord. plus. Oui. J'aurais dit vrai. Alors toi, tu penses que c'est vrai? Que nous propose Mathilde? Moi, je dirais que c'est vrai. Vous êtes donc d'accord pour le moment. Sophie. Moi, j'aurais dit vrai. D'accord, Moi, Léa. j'aurais dit vrai à cette question. Merci Sophie et Léa d'avoir rejoint nos commentaires. Donc là, nous sommes sur quatre vrais, si je ne m'abuse. Ouais, c'est Et ça. en effet, bravo. En fait, dans un produit solide comme la poudre, c'est très compliqué pour les bactéries de proliférer parce qu'en effet, elles ont besoin d'eau. Tu vois, si tu laisses un linge mouillé dans ton lave-linge, tu peux trouver de la moisissure après. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir Oui, oublié quelque chose. c'est. Et c'est jamais très agréable. Comme c'est humide et Non. enfermé, hop, là, il y a de la moisissure qui Ouais, va c'est vrai que ça arrive assez se. rapidement, ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, à l'inverse, un corps gras comme le beurre va avoir. Enfin, c'est pas à l'inverse d'ailleurs, c'est une autre réaction qui peut avoir lieu. C'est un corps gras, du coup, il va pouvoir s'oxyder avec l'oxygène. Et donc là, on va aussi avoir besoin d'ailleurs de conservateurs dans ces cas-là. Et que ce soit un produit naturel ou non, du coup, tu trouveras des conservateurs. Voilà. Je voulais faire aussi Ok. un petit rappel sur la composition d'un produit cosmétique. On a d'abord enfin, l'actif. Tu vois ce que c'est, l'actif? Non, pas trop. Si tu Donc, en pouvais fait, c'est m'expliquer un petit peu plus, l'ingrédient s'il te plaît. qui va vraiment avoir une action sur ta peau ou sur tes cheveux, etc. C'est vraiment D'accord. ouais, Ok. l'action qu'on recherche, elle est provoquée par l'actif. Donc, tu vois, par exemple, ça va être la vitamine C qui va réduire les taches sur la peau, par exemple, et aider à Ok. cicatriser. Après, le problème, c'est que l'actif, tu ne peux pas l'appliquer comme ça tout seul. Il va falloir que tu le transportes pour que tu puisses l'appliquer. Donc là, tu vas utiliser un excipient. Et là, ça peut être par exemple de l'eau, de l'huile. Donc si c'est de l'eau, évidemment, les bactéries vont se développer super facilement dès qu'on aura ouvert le flacon, parce que là, elles sont présentes dans l'air et tout. Donc hop, elles vont en profiter. Si c'est de l'huile, ça va déjà être moins le cas. Du coup, en général, les produits huileux vont avoir une meilleure durée de vie, une plus grande durée de vie. Mais quoi qu'il en soit, un corps gras, comme je disais avec le beurre, ça peut un peu s'oxyder et du coup, il faut toujours des conservateurs tout de même. On va aussi avoir l'adjuvant. Donc, c'est ça, le conservateur. Ça peut aussi être des ingrédients qui vont aider à donner une bonne texture à ton produit. Donc, on a par exemple l'acide sorbique, qui est lui Ah synthétique oui, et c'est qui vrai. va aider. Tu as déjà entendu ce terme? Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Bah, du coup, voilà, ça va aider à conserver le produit. Et enfin, on ajoute un additif pour que la couleur ou l'odeur soit sympa. Donc là, ça va être un parfum, Ok. par exemple, tu vois. Ça peut être D'accord. facultatif. En général, dans tout Ouais, ce qui ouais, est ouais. produit naturel, biologique, on va essayer de limiter les additifs, surtout quand on s'adresse à des peaux un peu sensibles et Ouais, qui c'est vont sûr, être c'est ça allergiques. qui peut faire réagir, ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Bon, bah, bien joué à toutes. Troisième question, le règlement de l'Union européenne pour les produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, avec son label AB, ne concerne pas les produits cosmétiques. Vrai ou faux, Esther? Et les auditeurs? Ah, celle-là, elle est plus compliquée. Bah, t'as dit quand même alimentaire, donc ça aurait été bizarre que ça concerne les cosmétiques. Ouais. Bah, j'aurais dit faux, je pense. Tu dirais faux? Qu'est-ce qui nous Ouais. est proposé, Mathilde? Moi, je dirais que c'est vrai. Non, c'est faux, c'est faux. Faux pour Mathilde. Moi, Léa. j'aurais dit faux. Ouais, je crois que c'est faux, mais bon. Et toi, du coup, Esther, tu Ouais, es, j'aurais c'est dit bon, faux, ouais. tu aurais dit faux. Eh bien, non, Ouais. c'est. Alors, ah, je ne veux pas. Marine. Moi, je dirais faux aussi, mais dans ce cas-là, c'est un petit manque dans la législation. Merci C'est Marine de sûr. nous rejoindre. Bon, moi, je tenterai le vrai. Ok, alors c'est en effet vrai. Donc voilà, là c'était Ah vraiment ouais. mitigé. En fait, donc c'est-à-dire que le règlement de l'Union européenne pour les produits alimentaires issus de l'agriculture biologique ne concerne pas les produits cosmétiques. Et, donc tu avais dit faux, hein, on est d'accord. Tu Ouais. pensais qu'il les concernait ou tu as compris peut-être la phrase à l'envers? Non, non, non, non, du coup, je pensais que ça les concernait, mais du coup, Ouais, en fait, c'est un peu la difficulté avec les produits cosmétiques biologiques, c'est que ce label-là est uniquement, enfin concerne uniquement l'alimentaire, et donc ça va être source de tromperie des consommateurs malheureusement, car le cadre réglementaire est assez léger sur tout ce qui est produits cosmétiques biologiques. Tu vois, pour les produits alimentaires, les marques doivent respecter un pourcentage minimum d'ingrédients issus de l'agriculture biologique pour vendre ensuite leurs produits avec le label, Ouais. alors que pour les produits cosmétiques, c'est pas le cas. Il n'y a pas de pourcentage minimum obligatoire dans les matières premières. Ça, je trouve que c'est assez étonnant. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, non, c'est sûr. Bah, on s'attendrait à ce qu'il soit quand même assez réglementé, mais du coup, pas tant que ça, Ouais, quand on bah entend ça. c'est vrai que en général, le côté agriculture biologique, on voit ça comme quelque chose de très encadré. Et pour les produits cosmétiques, non. En fait, c'est le fait que le pourcentage, qu'il n'y ait même pas de pourcentage minimum pour écrire sur ton produit issu de l'agriculture biologique, c'est assez fou. Ça veut dire que même à 5% d'ingrédients, Ouais, c'est tu vas ça, ils pouvoir le écrire. considèrent comme produit bio, quoi. Voilà, enfin, il n'y a rien qui t'interdit voilà, de l'écrire. Alors, après, alors, pardon, non, j'en parlerai un petit peu après, pardon. Mais du coup, c'est le même principe pour le terme naturel. Tout à l'heure, tu te demandais s'il y avait une différence. C'est pas un Ouais. terme encadré légalement, le mot naturel. Donc, une marque peut facilement l'indiquer sans que ça ne veuille dire grand-chose. Parce que, tu vois, quand je parlais des transformations un peu lourdes, qui peuvent intervenir sur les ingrédients, ça peut être sur un Ouais. ingrédient naturel qu'ensuite on va complètement dénaturer. Et du coup, au départ, il était naturel. Donc voilà, Ouais, mais sauf qu'à la c'est ce fin, qui est un ouais, il peu est plus délicat. naturel du tout, quoi. Exactement, c'est ça. Et du coup, des OK. labels émergent comme Cosme Bio, Natrou, je ne sais pas si je le prononce bien, qui vont essayer voilà, de remédier à ça et de donner des garanties de qualité, de respect de l'environnement, de contrôler davantage voilà, la composition et la formulation. Mais sur un plan réglementaire, vraiment. Parce que je le rappelle, un label, hein, on l'achète, on doit payer pour avoir le droit d'avoir cette certification-là. C'est en général privé. Alors que le logo AB, bah là, c'est encadré par l'Union européenne, etc. Ok, d'accord. Alors, Marine. Ah oui, moi j'ai fait un contresens. Tant pis. Ah oui, bah, c'est vrai que la question était peut-être tournée dans un peu alambiqué. Eh bien, c'est parti pour la quatrième question. Pour l'instant, tu as deux bonnes réponses et une fausse. Donc, en revanche, la législation européenne interdit l'utilisation de certaines matières premières synthétiques dans un produit cosmétique pour avoir le droit de l'appeler cosmétique biologique. Vrai ou faux, Esther? Ah non, vrai quand même, enfin j'espère. J'espère, oui, non, vrai. Tu espères que ce soit vrai? Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Est-ce que ça vous inspire, ça? La législation européenne interdit l'utilisation de certaines matières premières synthétiques dans un produit cosmétique pour avoir le droit de l'appeler cosmétique biologique. Je Mathilde? dirais que c'est vrai. Je crois en Esther. Et Léa? Moi aussi, j'aurais dit comme Esther, j'aurais dit vrai. Et Sophie? Bah moi comme Esther, j'espère que c'est vrai. Eh bien, je suis navrée. C'est apparemment Oh faux. Il n'y a ni interdiction, ni même limite. Voilà, les produits cosmétiques bio, à l'heure actuelle, ne sont pas vraiment encadré légalement. On peut vite être manipulé comme consommateur, en tant que consommateur. Bon, je pense que c'est déjà bien de le savoir. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut aider Ouais, c'est ensuite sûr. à peut-être ne pas trop se fier, voilà, à ce type d'appellation. Ouais. Donc pas, voilà. Ils peuvent tout à fait appliquer utiliser des produits synthétiques en plus de leurs produits, de leurs ingrédients biologiques. Je trouve que ce soir, pour le petit quiz, on n'est pas très forte. Bah, Ouais, c'est c'est un sûr. terme hyper, enfin vraiment très très intéressant, je trouve, parce que voilà, y a beaucoup, on a beaucoup d'a priori en fait, et le marketing y est pour beaucoup. On nous vend beaucoup de rêves avec ces appellations-là, et c'est pas forcément très fiable. Et Manon, merci de nous rejoindre, Manon. Oui, je suis d'accord avec Esther, moi aussi, je pense que c'est vrai. Eh bah, ben, désolé, Manon. On s'est toutes fait avoir, ouais. Alors, question 5. Les entreprises ont l'obligation légalement d'écrire le pourcentage de chaque ingrédient cosmétique présent dans le produit. Vrai ou faux, Esther? Bah, après toutes ces réponses, bah non, non, bah j'aurais dit faux, du coup, je pense qu'elles font un peu ce qu'elles veulent, donc faux. Là, tu penses qu'elles n'ont pas à écrire spécialement le pourcentage Ouais, je pense pas, je pense sur pas. l'étiquette, etc. Mathilde? Je pense que c'est faux vu la question d'avant. Donc là, vous êtes toutes les deux d'accord. Qu'en pense Non, Manon? c'est faux, mais je crois qu'ils sont écrits par ordre croissant, non? Non, décroissant. Tu as tout à fait Ah raison, ouais. Manon. Ça, c'est une obligation pour qu'on sache ce qui est le plus présent, comme en alimentaire, Marine. Moi, je dirais peut-être quand même vrai, mais alors c'est peut-être pas l'Europe qui oblige, je sais pas. Alors, c'est faux. Encore une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Ils n'ont pas en effet l'obligation d'écrire le pourcentage de chaque ingrédient cosmétique. En fait, elles ont l'obligation d'écrire les noms des ingrédients. Le nom doit être international parce que chaque ingrédient a un nom précis qu'on trouve sur une liste qui est appelée la liste INSEE. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler de cette Pas liste-là. du tout, non, je connais pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que sur cette liste, c'est des termes, tu l'évoquais tout à l'heure, des termes assez compliqués qui ne parlent pas à tout le monde, quoi. Et du coup, Ouais, c'est voilà, ça. c'est assez difficile, c'est pas très lisible pour un consommateur. Donc, c'est vrai que c'est bien, du coup, d'essayer d'utiliser pourquoi pas les applications, quoi. En fait, donc là, pour revenir au pourcentage qui n'est pas obligatoirement noté, il faut savoir que, par exemple, quand tu as un produit qui est formulé avec principalement de l'eau, l'eau, elle ne peut pas être biologique. Je ne sais pas si ça, tu avais réalisé. Ah non, pas du tout. Ouais, bah en fait, l'eau, ce n'est pas issu du vivant et seuls les ingrédients issus du vivant peuvent être considérés comme biologiques. Donc, du coup, ça fait que si tu as un produit qui est principalement fait avec de l'eau, bah, c'est mécaniquement, tu as un pourcentage assez faible des autres actifs, etc., qui sont biologiques, tu Ouais, c'est vois. sûr. Ouais, Alors ouais, que ouais. si du coup, tu compares ce produit à base d'eau avec un produit à base d'une huile, elle, pourquoi pas synthétique, une huile minérale du coup, parce que le mieux c'est les huiles végétales. Et bah Ouais. du coup tu vas, si tu avais le pourcentage des deux, tu pourrais te dire ah bah tiens celui avec de l'eau est encore moins concentré en actifs biologiques, mais vu que de base l'eau ne peut pas, enfin fausse un peu le calcul, tu Ouais, pourrais c'est t'orienter sûr, vers c'est l'huile sûr. et tu serais un peu trompé. Enfin, j'imagine que c'est pour ça. Mais c'est Ouais. vrai que ça pourrait, à produit égal, ça pourrait nous aider quand même, je pense. Ah bah oui, clairement. Ouais, c'est sûr. Peut-être pour plus tard. Donc là, tu avais eu vrai. Donc tu as 3 bonnes réponses sur 5. On continue, nous en avons 10 en tout. Alors, ce qui est compliqué dans la composition d'un produit naturel, c'est de trouver un conservateur naturel efficace. Vrai ou faux, Esther? Un conservateur naturel efficace, j'aurais dit faux. Non, il doit bien en Tu exister des dirais faux? conservateurs naturels efficaces. Ouais, faux. Alors, chers auditeurs, vous avez une idée d'un conservateur naturel qui serait peut-être efficace? Qu'est-ce que vous en pensez, Marine? Alors là, je dirais vrai cette fois. Tu penses que c'est vrai? Alors, tout comme Esther, du coup, il y a un petit bruit. Je ne sais pas si tu l'entends. Il y a comme un petit bruit de. Non, je l'entends pas d'un du tout. paquet. Alors, c'est peut-être moi. Dites-moi, chers auditeurs, si vous entendez un bruit de fond ou si c'est juste moi avec mes écouteurs. Que nous proposez-vous, Manon? Non, je pense que c'est vrai. C'est compliqué de trouver des conservateurs naturels efficaces. Donc, plutôt d'accord avec nos deux. Moi, je dirais vrai, le Cosgar. C'est pas mal. Mélie Tessier, bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, alors, toi, tu dirais vrai. C'est difficile, parce que la question c'est est-ce que c'est difficile de trouver un conservateur naturel efficace? Donc toi tu dis vrai, mais tu penses que le Cosgar... Moi je dirais ça... vrai, le Cosgar, c'est pas mal. Alors je connais pas du tout, je ne sais Moi pas. Non plus, tu connais, je connais toi pas. Alors, non, pas bon. Du tout. Que nous propose Camille? Je dirais comme Esther, moi je dirais faux. Alors je crois qu'Esther t'a dit vrai, on s'en mêle un peu les pinceaux. Tu penses que ouais, c'est vrai c'est... non Esther, tu m'as dit? Ouais, Mathie, oui, j'entends ouais, un je petit crois. peu le bruit, ça doit venir de chez Esther, du coup. Ah, Esther, il n'y a pas quelque chose qui... Je ne sais Ah pas non, si tu peux pourtant peut-être je... rebrancher bien tes Ouais. écouteurs ou... Oh, y a un petit bruit. Eléa. Oui, on entend le petit bruit de fond, mais du coup, je pense que si Esther l'entend pas, ça doit être elle. On recherche un coupable, j'aime bien. Alors, Je ne sais merci pas si beaucoup vous pour votre l'entendez encore ou participation. pas. Là, je l'entends plus, moi. Ah! Ok. Si, bon, c'est plus léger, c'est plus Ok. léger. Du coup, je rappelle la question, c'était ce qui est compliqué dans la composition d'un produit naturel, c'est de trouver un conservateur naturel efficace. C'est vrai. En fait, c'est la majeure difficulté. C'est pour ça qu'on lit rarement 100% d'ingrédients d'origine naturelle. En général, on te dit composé à 95% de Ouais, produits c'est vrai qu'on trouve de jamais voilà. du 100%. T'as vu? Parce qu'un produit, enfin, pour qu'il ne soit pas contaminé par les micro-organismes, bactéries, etc., il lui faut un conservateur. On l'a dit tout à l'heure, s'il y a de l'eau directement, ça peut se, elles peuvent proliférer dedans. Après, quand c'est un corps gras, elles vont moins proliférer, mais il va un peu rancir, etc. Alors là, maintenant, j'entends un peu un bruit de vent. C'est compliqué. Attends, attends, je vais essayer de... Je sais pas si c'est mieux là. Ah là, ça me semble pas mal, merci. Et Ok. les plus efficaces, du coup, ça va être ceux qui sont synthétisés en laboratoire. Parce que un conservateur naturel, par exemple, ce serait l'alcool, tu vois. C'est, ça conserve, mais ça ne sera Ouais. pas aussi efficace que les conservateurs synthétiques. Donc, c'est pour ça que même dans les produits dits biologiques, en cosmétique, on trouve des conservateurs de synthèse. Et Ah oui, ouais, les quand même. amis, c'est la désillusion ce soir. Ah, mais vraiment, il n'y a pas un seul truc qui est positif là. Oui, pour l'instant, on va peut-être y venir. Alors, septième question. Les produits cosmétiques synthétiques ont un seul avantage face au biologique, ils sont moins chers. Vrai ou faux, Esther? Un seul avantage, le prix. Bah, vrai. Est-ce que vous avez des idées, chers auditeurs, encore? Je suis contente, ça a quand même inspiré des réponses aux auditeurs qui nous écoutent, donc Ouais, c'est c'est vrai, cool. bah ça pose question quand même, hein. Bah ouais. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être complètement naïf avec les étiquettes, quoi. Mathilde. Non, c'est faux, il doit bien y avoir d'autres avantages, hein. Donc, tu es d'accord avec Esther? Moi, je pense que ça dépend du produit. Ouais, je D'accord. pense Manon. c'est un peu moins cher les conventionnels, mais en vrai, il y a quand même des bio qui sont pas très chers. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques, notamment de grande distribution, qui essayent de proposer des produits biologiques accessibles. Donc, réponse, tu avais dit faux, n'est-ce pas? Ouais. C'est faux, en effet. On ne maîtrise pas la composition, en fait, d'un produit biologique comme on pourrait maîtriser la composition d'un produit synthétique. Parce que, du coup, selon d'une récolte à l'autre, si la récolte a été bonne, que la saison a été... compliqué, etc. Le taux de l'ingrédient ou de l'actif, tu vois, ne va pas être le même, en fait. Donc ça, OK. c'est un premier inconvénient. Du coup, voilà, il y a ce manque de maîtrise qui peut être assez gênant pour une marque et de se dire que à 6 mois d'intervalle, peut-être que la concentration sera pas la même, le produit aura pas la même efficacité, tu vois. C'est quand même, on Ouais, peut le dire, je vois. un inconvénient. Ouais, je comprends mieux. Ensuite, il y a quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. Je sais pas si tu as une autre idée, qu'est-ce qui peut être... gênant avec un produit naturel ou biologique. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est la tolérance, les allergies. Ah, c'est sûr, ouais, c'est vrai. Ça t'est déjà arrivé peut-être d'avoir une mauvaise Ouais, expérience? ouais, ouais. Ouais, Ouais, bah. parfois ça réagit plus. Ça réagit plus, ouais. Les peaux sont peut-être plus sensibles à ça parce qu'elles sont peut-être moins habituées ou non, je sais pas. En fait, c'est plus que dire qu'un ingrédient est biologique, c'est dire qu'il est cultivé selon les règles de l'agriculture biologique, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il est mieux toléré par la peau. Donc, ouais, c'est un Ok, paradoxe. ouais. Mais quand on fait des études, quand des grands chercheurs travaillent pour des marques, enfin des pharmaciens, etc., en laboratoire pour créer des ingrédients de synthèse, on ne peut pas tout jeter à la poubelle. Ils font des quantités de tests, etc., notamment pour augmenter cette tolérance, tu vois. D'accord, C'est pour ça qu'on ouais. s'est tourné vers ça. Donc là, on en revient, on se dit, bah, avant tout, je veux quelque chose de naturel pour pas abîmer l'environnement et pour qu'il y ait une meilleure quand même adhérence, adhésion un peu. Parce que quand un produit, un ingrédient est naturel, la peau le reconnaît mieux parce qu'au niveau de l'ADN, etc., apparemment, on a pas mal d'ADN en commun, même avec les plantes Ouais, et tout. c'est Et du sûr, ouais. coup, on le reconnaît mieux. Mais au-delà de ça, on peut quand même être allergique. En général, on est allergique à des choses naturelles. Hein. Quand tu es allergique aux fameuses noix de cajou et cacahuètes qui nous étaient citées tout à l'heure, bah, C'est c'est sûr, tout ouais. à fait naturel et tu es allergique quand Ouais. même. Donc voilà. Huitième question. Consommer moins pour consommer mieux, c'est le slogan de l'association du jeune cosmétique. Vrai ou faux? Moi, je... Non, non, j'aurais dit vrai. J'aurais dit vrai, je Tu pense. aurais dit vrai? Ouais. Est-ce que quelqu'un se positionne? Donc là, on était à notre question 8 et tu nous dis vrai. Bon, bah, je suis navrée, Esther. C'était faux. Ah mince. C'est pas le jeune cosmétique. Je sais pas si tu avais peut-être pas entendu. On en a parlé, je crois, avec Léa. Le jeune cosmétique, c'est le fait d'arrêter d'utiliser des produits. Alors que là, le fait de consommer moins pour consommer mieux, c'est le slogan de la Slow Cosmétique. C'est aussi devenu un label. Elle prône pas forcément le bio à tout prix en cosmétique, mais plutôt des produits avec une base naturelle, comme des huiles végétales, du lait d'anès. Et donc, éviter la surenchère de produits avec un produit qu'on peut utiliser pour plusieurs usages, par exemple, c'est ce que conseille la Slow Cosmétique. Mathilde? Je dirais faux. Bien joué, Mathilde. Neuvième question, Esther. Les expériences sur animaux sont interdites en Union européenne, sauf pour la classe des rongeurs. Vrai ou faux? Est-ce que c'est interdit ou pas? Que pour, c'est autorisé que pour les rongeurs en Union européenne. Vrai ou faux? Et ce serait Non, interdit j'aurais pour dit tous les faux. autres. Tu J'aurais dit dirais faux. faux? Ouais. Mathilde? Je pense que c'est vrai. Tu penses qu'on n'a pas le droit de faire des tests sur les animaux avec tout ce qui est produits cosmétiques, sauf pour la classe des rongeurs, là où on pourrait se faire plaisir. J'aurais dit faux parce que j'ai l'impression qu'ils le précisent quand c'est non testé sur les animaux. Donc c'est qu'il doit y en avoir qui sont testés. Mais après, je me tasse parce que tu as précisé que c'était seulement avec les rongeurs. Ok, merci Léa. Manon? Je pense que c'est vrai. Manon, tu penses que c'est vrai? Et Marine? Moi, je pense que c'est faux. Merci beaucoup les filles. Marine, en effet, bien vu, c'est faux. Je crois que tu es la seule Marine à avoir répondu faux. Les expériences sur animaux sont bien interdites en Union européenne depuis, figurez-vous, mars 2009. Donc, quand Léa, tu évoques toutes les marques qui précisent non testées sur les animaux, c'est quelque chose qui fait débat parce que c'est un peu comme enfoncer une porte ouverte, c'est-à-dire qu'elle précise quelque chose qui, de toute façon, n'est pas un argument Ouais, commercial, de toute façon, c'est ce n'est pas obligatoire. autorisé, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc, du coup, il y a un autre débat qu'on peut entendre par rapport à ça, c'est que certaines marques vont allègrement écrire, voilà, cruelty free sur leur emballage. Mais ensuite, elles vont vendre leurs produits en Chine, par exemple. Et quand tu vends un produit cosmétique en Chine à la douane, les autorités peuvent décider de faire des études de contrôle de façon aléatoire. Et là, elles peuvent tout à fait faire ces études, ces tests sur des animaux. Donc, je ne sais pas si D'accord, tu vois le ok. paradoxe. Ça veut dire que tu Ouais, vas non, écrire bah sur oui, ton c'est sûr. produit en Union européenne. Non, je ne teste pas sur les animaux, mais par contre, je vais vendre à un pays qui, lui, peut avoir Peut tester sur les animaux, du recours. coup. Voilà. Donc, ça, c'est Ok. vrai que ça peut agacer beaucoup les consommateurs qui voient un manque de cohérence trop d'opportunisme peut-être de la part de Ouais. certaines marques. C'est sûr, c'est Léa? sûr. Mais du coup, quand ils le précisent, ça peut vouloir dire qu'ils ne le font pas non plus sur les rongeurs. Pardon Léa, c'était faux. C'était pour dire que je faisais un petit piège en disant c'est faux sauf pour les rongeurs. C'est faux sur tout. En Union européenne, tu ne peux pas faire de test sur les animaux pour tes produits cosmétiques. C'est interdit sur tout animal. Et nous avons Tchekkozor qui veut participer. D'accord, bah merci. J'interprète ça comme un étonnement Nickel. face à toutes ces nouvelles informations. C'est vrai que c'est assez surprenant, je pense. Et nous arrivons à notre dernière question du quiz vrai-faux sur produits cosmétiques et produits biologiques dans notre stéréo de beauté imaginée. Dernière question pour dépasser la note de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 10. Esther, le courant vegan ne touche pas encore les cosmétiques. Vrai ou faux? Si, si, il le touche hein, déjà, je crois. Ouais. Ce serait faux du coup? Ouais, je pense. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Merci beaucoup de votre participation. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ce thème vous inspire et que vous vous lancez. Juliette? Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a pas mal de produits véganes. Dans les cosmétiques, Léa, qu'est-ce que toi tu en Moi, penses? j'aurais dit faux pour cette question. Tu aurais dit faux. Non, pour moi, Mathilde? c'est faux. Ça touche déjà les cosmétiques. Mathilde est d'accord. Oui, je Marine? pense aussi que c'est faux. Pour moi, il y a déjà des. Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà vu des produits cosmétiques qui se revendiquaient comme étant vegan. D'accord, Marine. Manon? Ouais, je pense qu'Esther, elle a raison. Il y a des Là, cosmétiques vegan. c'est Esther en force. Hein. Tout le monde est d'accord Pardon, je veux avec dire, toi. je pense que Juliette? c'est faux. Ah oui, il y avait juste Juliette qui avait qui rectifie ce qu'elle avait dit. Eh bien, bravo à toutes. C'est une belle dernière réponse que vous avez donnée. Est-ce que vous en connaissez d'ailleurs des ingrédients qui seraient un peu bannis pour respecter le courant vegan? Toi, Esther, ça te dit quelque chose? Peut-être des graisses animales, mais je suis pas sûre, non. Des graisses animales. Non. Je réfléchis là comme ça. Graisse animale. Oui, il y a le squalane. C'est le foie de requin qui Ah va oui. donner une huile, en effet. Du coup, on peut dire une graisse. L'huile, c'est gras, voilà. Donc, oui, le squalane, par exemple, ne permettrait pas d'être vegan pour un produit. Que nous proposez-vous, Mathilde? Bah, je dirais peut-être la graisse de d'animaux. Ah bah Bien voilà. joué. Exactement. Bien joué, Mathilde. Manon? Ben, le lait d'ânesse, par exemple, peut-être. Ah, le lait Ah d'ânesse, oui, bien c'est vu. Bah vrai. oui, Ouais. l'ânesse étant la femelle de l'âne. Hein. Ça sonne bien, lait d'ânesse, souvent, on imagine que c'est un seul terme, mais oui. Léa? Dans les cosmétiques, moi j'aurais dit la graisse de baleine. Ah, Là oui, ça aussi, ouais. aussi. Sophie? Ah, pardon, j'ai mal cliqué. Peut-être tout ce qui est produit à base de miel qu'on peut retrouver dans les cosmétiques, je crois que les véganes, ils doivent les supprimer. Exactement. Donc ça, on a Ah, notamment des baumes à lèvres qui ne peuvent pas utiliser de miel. oui, avec du Ouais. miel, ouais, c'est sûr. Ouais. Ah, Ça je n'aurais fait pas pensé aussi à ça. partie. Ah oui, parce que déjà, c'est des insectes, donc tu peux te dire, oh, ça, c'est un Ouais, peu voilà, plus c'est ça. éloigné. Mais Mais en pour les fait. insectes, on a aussi, je sais pas si tu connais la cochenille, qui donne le rouge, notamment des rouges à lèvres. Et bah du coup, Oui, ouais, ça ne peut c'est pas vrai. être utilisé. On ne peut pas appeler un rouge à lèvres vegan s'il est rouge avec ce colorant naturel. Comme dans les bonbons, genre la gélatine de porc, les trucs comme ça, c'est sûr que ça doit être utilisé dans certains trucs. Ah, Mmh, possible, c'est vrai, possible. ouais, je pense. Ça, je peux pas vous dire. Et Juliette, enfin? Peut-être des produits où il n'y a pas de parfum, de trucs un peu toxiques ou je sais pas quoi. D'accord. Du coup, là, ça sera pas vraiment. Il y aura pas vraiment de lien entre le courant vegan et le côté bon pour la peau, etc. Parce qu'en l'occurrence, ce qui est vegan est plutôt bon pour la santé. Enfin, c'est naturel en tout cas. Bon, pour la santé, peut-être pas forcément, mais en tout cas, tout ça va être naturel. Et donc, ça montre aussi le paradoxe des courants différents, c'est qu'on peut vouloir du naturel, mais ne pas vouloir de vegan, alors que tout ce qui vient de l'animal, c'est naturel par définition. Mathilde? Décidément, Juliette n'a pas inventé l'eau chaude. Oh Eh ben, merci Mathilde pour Juliette. Mais voilà, du coup, peut-être que Juliette n'a pas beaucoup entendu le début de certaines informations qui voilà, où on expliquait que tout ce qui est, enfin, tout ce qui est, c'est tout ce qui est naturel qui va pouvoir être considéré comme chimique, oui, mais ce qui compte, c'est que ce soit pas synthétique pour pas abîmer la peau. Voilà. Et du coup, Juliette Effectivement, encore. Juliette n'avait pas compris la question. D'accord. Merci Juliette. Merci beaucoup de votre participation pour ce vrai faux. Pour information, pour le réaliser, j'ai utilisé plusieurs sources. Les Nouvelles Esthétiques, Natrou, émission La Quotidienne aussi et sauvonsnotrepeau.fr. Eh bien, c'est bientôt la fin de notre live stéréo sur Beauté Imaginée. Déjà, si vous avez des questions pour Esther, c'est le moment, chers auditeurs. Moi, j'ai une question pour toi, Esther, pour finir. Est-ce que pour le prochain live, il y a un mécanisme de cosmétologie ou une réaction de la peau à un produit que tu aimerais mieux comprendre, dont tu aimerais comprendre le fonctionnement? Tu sais, pour ma rubrique, la belle minute Ouais. scientifique. Alors, Ouais. j'en ai un parce que sur plusieurs produits, j'ai vu sans parabène, mais je comprends pas pourquoi Ah, est-ce ouais. que on l'utilise, enfin pourquoi est-ce qu'ils le mettent sans parabène. Voilà, ce serait Parfait. peut-être ça. Ah bah ça Voilà. c'est intéressant. Je lisais d'ailleurs des informations à ce sujet aujourd'hui. Je ne dévoilerai pas, mais en effet c'est assez toxique pour le corps et la santé. Donc très intéressant. J'en parlerai, merci Esther, dans mon prochain live dans la belle minute scientifique. Mathilde? Super sympa ce live, j'ai bien aimé, il y a eu beaucoup de participation et Grave, j'espère que ça fait Esther vraiment reviendra plaisir. vite pour nous donner ses super conseils beauté. Un Avec petit grand clin plaisir, d'œil au savon et l'eau, j'en j'imagine. En tout cas, merci beaucoup Esther de m'avoir accompagnée et d'avoir Bah, répondu. Merci. avec Ouais. grand plaisir. Tu as appris des choses? Ouais, vraiment, beaucoup de choses et je porte un nouveau regard maintenant sur les produits bio Tes et prochaines courses dans un rayon biologique de produits cosmétiques seront peut-être différentes. voilà, c'est ça, exactement. Bah, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci d'avoir imaginé notre belle invitée. Si pour mon prochain live, vous avez une question de beauté décalée, pourquoi pas, à poser à mon invité, n'hésitez pas. Et si vous voulez un soir être mon invité, faites-moi signe. Je crois d'ailleurs qu'une amie à toi, Esther, pourrait me rejoindre un jour. J'espère que ce soir, ça lui a donné envie. Ouais, Et bah oui, moi, ouais, je pense. on verra si elle me contacte pour participer. Ce sera avec plaisir pour Ouais. moi. En tout cas, pour mon prochain live sur Beauté Imaginée, je retrouve Sophie, maman Soso, pour parler de grossesse et beauté. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ce sera jeudi prochain à 20h45 avec maman Soso. Alors, nous allons écouter nos dernières interventions, Est-ce que Mathilde. quelqu'un dans le public aimerait participer en tant qu'invité? Ah oui, nos auditeurs, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a mon Instagram, Beauté Imaginée, avec le tiret du 8 entre les deux mots. Ce sera avec plaisir que je vous poserai des questions. Eléa Carbo. Merci beaucoup Alice pour ce live et merci à ta belle invitée Esther. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Léa. Eh bien, c'est comme ça qu'on se quitte, je pense. Merci, Esther. À Très bientôt bien, sur un merci prochain Alice. live À bientôt. stéréo. Merci. Merci à tous.